Yeah. Prendre ma place, ma tech, mes rimes au plasma. Mec, on est hal, quoi, ouais, j'arrête de me check. Le choc des putes, et y'aura pas que moi. Mac les putes à chaque pitch, déboule et puis ça chuchote comme au parloir. 92 pour le fief, I pour injection. Ma génération shit, violence et sexe. Les lois, les droits, je me les donne pour m'aider. Je demande un son père, V2OBA02R. À part aux frères qui shoot les harkis, va l'avancer, squat le parking, je méfie des seringues vite. Sera la tapaski si tu m'invites, je repars jamais les mains vides. Official depuis les premiers Starski, je suis différent. Premier consport et en chant, délinquant, on rentre à l'heure où les oiseaux chantent. Par méchant mais nocif, franchis pas nos sites. Évite un génocide, on rate jamais nos sites. Mon arrivée, violemment annoncée. Ciseaux de la zone arrive en poison. J'inaugure ma verge au cul sur les nerfs de mauvais augure. J'm'endors avec ces putains d'oiseaux. J'te raconte que ce que j'connais, ça va du bled à ma queue. T'étonne pas si c'est la même, si c'est la merde. Avec un peu ou beaucoup de pesos, la même chose, loin d'être parfait. Ne jamais cracher dans mon mafé, fais ce que tu sais faire. Fermez ta gueule, parlez dans mon dos. Essayez de prendre les commandes sans mon commando. Usé par les mauvaises langues, mais rusé juste. De la risée pour t'arroser si tu veux juger, bouge. Tu l'aimes si scolarisé, change mon instruction en polar. Et tu savais que j'arrivais depuis que tu suçais le pouce. Bon écoute, j'avoue si je pouvais tout refaire. Je décrais les gyrophares, yeah, j'y suis resté joue. Je porte le fer, change de flow, change de but, change de but, change de conso. Change de but, mets pas ton string dans ma sauce. Putain, on mange pas le même riz. Essuie le sang, l'urine et descend du ring. Premier consport et en chant, délinquant, on rentre à l'heure où les oiseaux chantent. Par méchant mais nocif, franchis pas nos sites. Évite un génocide, on rate jamais nos sites. Mon arrivée, violemment annoncée. Ciseaux de la zone arrive en poison. J'inaugure ma verge au cul sur les nerfs de mauvais augure. J'm'endors avec ces putains d'oiseaux, j'suis différent. Premier consport et en chant, délinquant, on rentre à l'heure où les oiseaux chantent. Par méchant mais nocif, franchis pas nos sites. Évite un génocide, on rate jamais nos sites. Mon arrivée, violemment annoncée. Ciseaux de la zone arrive en poison. J'inaugure ma verge au cul sur les nerfs de mauvais augure. J'm'endors avec ces putains d'oiseaux. Ouais, vas-y, on rappelle.